بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Donc, on va commencer notre cours, Inch'Allah. Juste avant ça, il y a une question qui a été posée par les sœurs. Donc, je vais essayer de répondre, Inch'Allah. La question c'est, Assalamu alaikum. Nous avons une question. Serait-il extrémiste de dire qu'on ne doit pas prier derrière les ikhwan qui appellent à voter? Et non. Vu que cela serait une forme d'association dans les attributs d'Allah. Bon, est-ce que ce serait extrémiste de dire qu'on ne peut pas prier derrière les ikhwan? Les ulama de Ahl al-Sunnah wal Jama'ah, de façon générale, ils ont une règle ou un principe. C'est que si quelqu'un prie derrière un innovateur ou un mubtadi', sa prière elle sera correcte du moment que son innovation n'est pas une innovation qui a atteint le degré de shirk majeur ou de kufr majeur. Donc dans ce cas-là, sa prière sera quand même valable. De même que lorsqu'on prie derrière quelqu'un dont on ne connaît pas réellement les détails de son état par rapport à sa aqida ou son manhaj, celui qu'on appelle al-mastour al-hal, celui dont sa réalité est cachée. Donc la prière derrière cette personne, elle est valable. Du moment que nous, ce qu'on sait de cette personne, c'est que c'est un musulman, même s'il a des égarements ou des innovations, sa prière derrière cette personne sera correcte. Par rapport à la question qui est mentionnée en particulier lorsque ça dit ici que étant donné qu'ils appellent à voter. Bon, c'est sûr que dans la question du vote, le fait que les ikhwan appellent à voter, ça veut pas dire nécessairement que c'est des gens qui, disons que ça c'est pas quelque chose qui atteint ce degré-là ou bien qu'on va dire par rapport à la personne qui fait ça qu'il a commis un shirk majeur ou un kufr majeur. Hein? Parce que le fait d'appeler à voter, c'est certain que c'est quelque chose qui est en contradiction avec la da'wa des prophètes, parce que les prophètes n'ont jamais appelé à voter. Mais on ne peut pas dire par rapport à ça que c'est quelque chose qui arrive à ce degré-là. Par contre, c'est sûr que le système sur lequel la démocratie est établie, c'est un système de kufr et de shirk. Et la raison de ça, c'est parce que ceux qui ont établi l'idéologie politique sur laquelle se base la démocratie, eh bien, c'est basé sur le kufr. C'est basé sur l'ilhad. Okay? Et beaucoup de musulmans ne savent pas ça, mais en fait, la base, l'idée de la démocratie, il est basé sur l'idée que les hommes sont créés à partir de, comme c'est, disons, les hommes sont le résultat d'une évolution. Hein, ils disent que l'homme vient du singe. Hein, que l'homme vient du singe. Et que l'homme a évolué, que c'est pas Allah subhanahu wa ta'ala qui l'a créé. Et que, étant donné que les hommes, selon ces gens-là, n'ont pas reçu de prophètes ni de messagers, et qu'ils n'ont pas reçu de livres, ni de révélation de Dieu. Donc, les hommes se sont retrouvés dans un état sauvage, sans guidance, sans loi, sans droit, sans règles pour les gérer entre eux. Donc, c'était la loi de la jungle. Le fort mange le faible, et ainsi de suite. Donc, ils ont fait ce qu'ils appellent un contrat social. Et ce contrat social, dans ce contrat social, ils ont accepté ou décidé de donner à l'un d'entre eux, hein, une certaine autorité ou un pouvoir en échange de certaines de leur liberté et certains de leurs droits. Et donc, ils disent que par rapport à ça, donc, le pouvoir, il appartient au peuple. Et c'est le peuple qui est la source de la souveraineté. Et donc, ils disent que les trois sources du pouvoir, qui est le pouvoir de légiférer, le pouvoir juridique, le pouvoir exécutif, ils disent ça appartient au peuple. C'est au peuple de décider ces choses-là. Et donc, c'est le peuple qui décide lui-même de ses propres lois. C'est le peuple qui lui-même juge et établit le verdict, le jugement sur les crimes. Et c'est le peuple également qui va exécuter la loi, bien entendu par rapport à, par des intermédiaires. Donc, par exemple, le pouvoir législatif, ils disent c'est les députés qui sont élus par le peuple, qui représentent le peuple à l'Assemblée nationale et qui votent les lois qui vont déterminer ce qui est permis, ce qui n'est pas permis, ce qui est licite, ce qui est illicite. Et ils ne tiennent dans ça aucune considération à qu'est-ce qui a rapport avec la révélation divine. Donc, eux, le fait que le Coran ou que la Torah ou que l'Injil ait interdit le zina, pour eux, ça n'a aucune importance. Parce que eux, ils ont décidé que le zina, c'est halal, que c'est permis. Du moment que deux adultes sont consentants, ah ben, c'est permis. La sodomie, l'homosexualité, pour eux, ça c'est permis parce que du moment que la personne est consentante, alors c'est licite. Le moment que si quelqu'un veut boire de l'alcool, ils vont dire du moment que c'est fait dans la maison ou en privé, que la personne ne va pas boire dans la rue, sur le chemin public, qu'elle ne va pas acheter de l'alcool alors qu'elle a moins que 18 ans, ou qu'elle ne va pas, par exemple, acheter cet alcool-là à partir d'une telle heure, comme ici, par exemple, au Québec. Après 11 heures, tu n'as pas le droit d'acheter de l'alcool dans les magasins. Hein? Les réfrigérateurs où on met la bière et l'alcool et le vin sont sous clé après 11 heures. Hein? Les bières, les choses comme ça. Hein? Donc, ils ont mis des lois. Ils ont permis l'alcool, mais ils ont quand même mis quelques limites. La cigarette, hein, si t'as moins que 18 ans, tu peux pas l'acheter. Si t'as plus que 18 ans, tu peux l'acheter. Maintenant, la marijuana, elle est légiférée aussi, c'est-à-dire c'est légal. Les gens qui veulent acheter de la marijuana, après 18 ans, ils ont le droit. Il y en a qui disent non, il faut le mettre à 21 ans. Hein, donc des divergences entre eux comme ça. N'empêche qu'ils ne se réfèrent pas du tout à une révélation divine ou à un livre ou à un prophète pour déterminer qu'est-ce qui est licite ou illicite, qu'est-ce qui est légal ou illégal. C'est le peuple, soi-disant, par l'intermédiaire des députés, des ministres qui votent ces lois-là, puis c'est eux qui décident. Hein. Donc, ils se sont attribués un des droits exclusifs d'Allah qui est de légiférer. Hein, at-tashri'a, en arabe. Et ça, c'est du shirk. Il n'y a pas de doute. Hein. De même que, par exemple, le fait de juger. Hein, lorsque le juge à la cour va juger entre les hommes par rapport à des disputes, des désaccords, des conflits, ils ne vont pas juger selon qu'est-ce que Allah a révélé, ils vont juger selon la loi, le code criminel, le code civil, le code ci, le code ça. C'est des lois que les hommes ont écrites eux-mêmes avec leurs mains. Donc ça déjà, ça représente aussi une forme de shirk, aussi une forme de kufr, parce que on n'a pas le droit en tant que croyant de se référer à une loi autre que la loi d'Allah pour juger entre les hommes. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit ça dans plusieurs versets dans le Coran. Inna Allah la yani wa man lam yahkum bima anzala Allah fa ulaika humul kafirun fa ulaika humul fasiqun fa ulaika humul adh-dhalimun. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il a mentionné que ceux qui jugent par autre que ce qu'il a révélé sont les mécréants, sont les injustes, sont les pécheurs, les pervers. Hein? C'est-à-dire ceux qui rejettent le jugement d'Allah complètement ou qui refusent complètement son jugement, ceux-là sont des mécréants. Ceux qui acceptent le jugement d'Allah mais qui jugent selon leur passion, ceux-là sont des pécheurs dans le sens que leur kufr est un kufr mineur qui ne les fait pas sortir de l'islam. Mais celui qui renie complètement la loi d'Allah ou qui la rejette ou qui pense que c'est permis de ne pas juger selon la loi d'Allah ou que c'est qu'il y a quelque chose de meilleur que la loi d'Allah, hein, comme les lois des différents pays occidentaux, que ça c'est meilleur que la loi d'Allah, dans ce cas-là, ça c'est du kufr. Hein. Donc, c'est possible que, à notre époque, des gens, comme par exemple les Ikhwan, qui appellent beaucoup d'entre eux appellent à la démocratie, par exemple, et à ce, ce genre d'idéologie-là, même qui vont s'allier à des partis laïcs ou des choses comme ça. Ils vont faire ça, mais ils vont pas nécessairement comprendre ou voir le point de vue que ça, c'est un système de kufr. Pourquoi? Parce qu'ils ne prennent pas la démocratie dans son sens réel. C'est-à-dire qu'ils déforment le sens de la démocratie pour lui donner une interprétation, selon eux, qui serait comme en accord avec la religion. Donc, ils vont dire, pour nous, la démocratie, ça veut dire la justice, l'égalité, y a des choses comme ça. Donc, ils ne prennent pas la démocratie telle qu'elle est chez les koufars ou telle qu'elle est réellement, mais ils s'en font une autre version, puis ils l'appellent démocratie. Ils ont dans le fait de faire ça, l'idée peut-être de tromper les koufars en leur faisant croire qu'ils sont d'accord avec eux, mais en réalité, ils pensent réellement à quelque chose d'autre. Et dans ce sens-là, c'est une forme d'hypocrisie. Et en même temps aussi, des fois, c'est dangereux parce que ça fait en sorte que des musulmans acceptent des principes et des notions contraires à l'islam en pensant que c'est correct et en pensant que c'est en accord avec la religion musulmane. Parce qu'ils entendent ces gens-là qui disent « la démocratie, c'est la justice, c'est ci, c'est ça, et c'est pas contraire à l'islam ». Donc, eux, ils pensent que c'est bien, dans ce cas-là, ils l'acceptent, alors que ça, c'est un mensonge. Hein? C'est un mensonge. Et en même temps aussi, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a interdit dans le Coran d'imiter ou d'utiliser les termes des koufars, même si ça peut avoir une bonne signification, si ça peut induire en erreur ou amener à une ambiguïté. Hein? Comme par exemple dans le verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit « Ya ayyuhalladhina amanu, la taqulu ra'ina wa qulu nzurna wa sma'u » Et les ulama, ils ont expliqué ce verset-là parce que dans ce verset, Allah dit « Ô vous qui avez cru, ne dites pas ra'ina, mais dites plutôt unzurna. » Wa alaykoum salam wa rahmatullah. La raison de ça, c'est la raison de la révélation de ce verset, c'est parce que les juifs, il disait au prophète sallallahu alayhi wa sallam ra'ina. Et ra'ina en arabe, ça a une bonne signification. Ça veut dire yani ra'ina, ça veut dire yani fais attention à nous, regarde-nous, porte-nous attention, hein. Occupe-toi de nous. Et les arabes, les sahaba, ils le disaient dans ce sens-là. Tandis que les juifs, eux, dans leur langue, ra'ina, c'était une insulte. Alors, ils disaient au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ra'ina, pour l'insulter, dans leur langue. Et les sahaba, eux, disaient ça, eux aussi, mais dans le bon sens. Alors, il y avait comme une genre d'ambiguïté, et c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a, dans le Coran, il nous a ordonné de ne pas dire comme eux, parce que ça pouvait avoir un sens faux, un sens mauvais, hein. Et de plutôt, au lieu de dire ra'ina, mais de dire unzurna. D'accord? Et donc, on peut utiliser cet exemple-là pour, par rapport à ce genre de terminologie comme la démocratie. Si quelqu'un, par exemple, dit « Oui, mais moi, je dis démocratie, mais je le dis pas dans le sens que eux ils l'utilisent. Je le dis dans le sens qui est en accord avec l'islam. » Donc, on pourrait leur dire « Écoute, si le terme, il a un sens qui est contraire à l'islam, puis que toi, tu l'utilises dans un sens selon toi qui est en accord avec l'islam, et là, ça crée une ambiguïté. » Donc, il est préférable d'éviter d'employer ce terme pour éviter justement l'ambiguïté et de créer des amalgames et de tromper les gens et d'utiliser les termes qui sont mentionnés dans la charia. Comme ça, il n'y a pas d'ambiguïté, puis on est tous d'accord et on s'entend tous sur qu'est-ce qu'on est en train de, hein, de mentionner. Donc, pour répondre de façon plus précise à la question, est-ce que c'est extrémiste de dire qu'on ne doit pas prier derrière les ikhwan? Oui, parce que ce n'est pas tous les ikhwan qui ont cette idée-là en même temps. C'est-à-dire que parmi les ikhwan, il y en a qui sont d'accord peut-être avec ces idées-là, tandis qu'il y en a d'autres qui ne le sont pas. Et vous savez que les ikhwan, il y a de toutes les tendances parmi eux. Il y a des soufis, il y a des khawarij, il y a des modernistes, il y en a de toutes les sortes. Et chacun, ils ont un petit peu chacun leurs idées individuelles, chacun ils pensent différemment. Il n'y a pas vraiment une ligne de pensée commune dans tous les points, à moins que ce soit une ligne qui soit tenue par les fondateurs du groupe, hein. Comme Hassan al-Banna lui-même, effectivement, il était rentré dans les élections en Égypte et il était opposé, par exemple, au roi Farouk à l'époque. Donc, c'était un mouvement qui est à la base politique et qui s'oppose au gouvernement et au pouvoir musulman. C'est pour ça qu'ils ont des caractéristiques des Khawarij. On va dire que c'est des gens d'innovation, mais est-ce que tu vas dire à cause de ça que ce sont nécessairement des mouchriquins? Non. Hein? On ne va pas dire ça. Ceux d'entre eux qui croient en qu'est-ce qui est kufr majeur ou shirk majeur et qu'on a établi la preuve contre eux, les ulama, ils diront à propos de ces individus ce qu'il faut dire à leur sujet par rapport au jugement de la charia. Mais de façon générale, on n'a pas le droit de faire ce verdict-là parce qu'il y a des cas différents parmi eux, puis on ne peut pas généraliser. Hein? Wallahu ta'ala a'lam. Donc ça, c'est pour répondre à la question de la sœur. Maintenant, on va commencer notre cours, Inch'Allah. C'est Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi, wa man walahu, amma ba'd. Le Cheikh, on est arrivé donc au cours numéro 74 dans le livre de l'explication de Aqidatu Ahl al-Sunnati wal-Jama'ah, du Cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymeen, et on a fini les premiers piliers de la foi: al-iman billah wa malaikatihi wa kutubihi. Et là on est arrivé à, hein, on a commencé au dernier cours, wa rusulihi, la foi en les messagers, hein. Donc ça, c'est le quatrième pilier de la foi. Donc on a expliqué, comme le Cheikh Ibn Uthaymeen a mentionné, que nous croyons en tous les prophètes, du premier jusqu'au dernier. Il dit wa nu'minu bi anna awwalahum Nuhun wa akhiruhum Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ajma'in. Et il mentionne le verset inna awhayna ilayka kama awhayna ila Nuhin wan nabiyyin min ba'dih. Et c'est un autre verset: ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulallah wa khataman nabiyyin. Donc c'est-à-dire nous croyons que le premier des prophètes, le premier des messagers, c'est Nuh alayhi salam, et que le dernier d'entre eux, c'est Muhammad alayhi salat wa salam. Et il mentionne comme preuve à ce sujet deux versets. Le premier verset, il dit: nous t'avons fait une révélation comme nous en avons fait une, hein, à Noé et aux prophètes qui sont venus après lui. Et l'autre verset qu'il a cité, c'est-à-dire Muhammad sallallahu alayhi wa sallam n'est le père d'aucun parmi les hommes d'entre vous, mais il est le messager d'Allah et le sceau des prophètes, c'est-à-dire le dernier des prophètes, celui qui vient sceller la prophétie. Et le Cheikh, il explique ça. Il dit الدليل من القرآن والسنة الدليل من القرآن قول الله تبارك وتعالى إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده إلى أن قال رسلا مبشرين وهذا وحي الرسالة أما وحي النبوة فقد كان قبله إذ كان في آدم عليه السلام ولكن وحي الرسالة الذي أكده الله بقوله رسلا مبشرين وهذا كان أوله في نوح عليه السلام. Donc le Cheikh explique que la preuve que le premier des messagers, c'est Nuh alayhi salam, il tire la preuve de ça dans le Coran et dans la Sunna. Premièrement, le verset que le Cheikh a cité dans le Coran: nous t'avons révélé comme nous avons révélé à Nuh et aux prophètes après lui. Et il dit jusqu'à ce que Allah dise par la suite des messagers qui sont envoyés comme annonciateurs d'une bonne nouvelle. Et donc ça, c'est la révélation du message, hein, c'est-à-dire par rapport au fait que ce sont des messagers, et tandis que la prophétie, hein, le message, c'est par rapport aux messagers, tandis que la prophétie, c'est par rapport aux prophètes qui sont envoyés après. Et donc, il dit que la révélation de la prophétie, elle existait avant Nuh, alayhi salam, parce que Adam, alayhi salam, il a lui reçu aussi une révélation. Donc, Adam, alayhi salam, il était le premier homme, mais en même temps, il était aussi le premier prophète, parce que Allah subhanahu wa ta'ala lui a révélé, lui a parlé. Hein? Nuh, alayhi salam, c'est vraiment lui le premier messager. Pourquoi? Parce que c'était lui le premier qui a dû affronter des mouchriquins. Avant Nuh, alayhi salam, il n'y avait pas de shirk. Il n'y avait pas de mouchriquins, il n'y avait pas de shirk. Tous les hommes qui ont vécu avant Nuh, alayhi salam, ils étaient tous sur le tawhid. Il n'y avait pas d'idolâtrie. Contrairement aux anthropologues aujourd'hui, quand ils parlent de la religion, ils disent l'homme à l'origine, il s'est développé, il était polythéiste. Puis, après, avec le temps, il est devenu plus évolué, il est devenu monothéiste après. Alors que Allah subhanahu wa ta'ala, il nous fait savoir dans le Coran que le premier des hommes était monothéiste. Et que le monothéisme était à la base, hein, dans les fils d'Adam. Et que le shirk, l'idolâtrie et le polythéisme est apparu après, hein, est apparu après dans l'humanité à cause de l'exagération vis-à-vis des hommes pieux qu'ils ont voulu prendre comme des intermédiaires et des intercesseurs entre eux et Allah. Donc c'est de cette manière-là que le shirk est entré dans l'humanité. Donc, la prophétie, elle existait avant Nuh, alayhi salam, mais le message des messagers qui sont envoyés par Allah dans le but de transmettre le message à un peuple qui a contredit l'ordre d'Allah ou qui était dans le shirk, et le but de les ramener au tawhid et à la purification de leurs croyances, ça c'était le premier d'entre eux, c'était Nuh, alayhi salam. Puis il dit... Et Adam, donc Adam il a reçu un message lui aussi, auparavant il a reçu la prophétie, puis par la suite il y a eu Nuh alayhi salam, hein, qui a reçu la révélation du message. Donc le premier c'était Nuh. Après le Cheikh il dit: وَمِنَ الْأَدِلَّةِ قَوْلُهُ تَعَالَى وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ فَذَكَرَ اللَّهُ تَعَالَى أَنَّهُ أَرْسَلَ نُوحًا وإبراهيم عليهما السلام وأن النبوة والكتاب كان في ذريتهما وهذا يدل على أنه لا رسول قبل نوح عليه السلام. Donc le cheikh dit, et parmi les preuves il y a le verset 26 dans sourate Al-Hadid dans lequel il dit: et nous avons envoyé Nuh et Ibrahim et nous avons fait que la prophétie et le livre soit dans leur progéniture. La prophétie et le livre soit dans leur progéniture. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il a mentionné qu'il a envoyé Nuh et Ibrahim. Hein? Il les a envoyés comme messagers. Puis il dit, et ensuite la prophétie et le livre est resté dans leur progéniture par la suite. C'est la preuve qu'avant Nuh, alayhi salam, il n'y avait pas de messagers. Il dit: وهذا يدل أن من قال من المؤرخين إدريس كان جد نوح أن هذا قول باطل لأنه يستلزم أن يكون هناك رسول قبل نوح وهو مخالف للقرآن فمن زعم أن إدريس قبل نوح فقد أخطأ خطأ عظيما ولولا أن ذلك صدر عن اجتهاد لقلنا إنه تكذيب للقرآن. Cheikh, il dit donc, c'est ainsi qu'on peut savoir que les historiens qui disent que Idris était avant Nuh, ou que c'était le grand-père de Nuh, que ça c'est une fausse parole. Et que ça implique qu'il y aurait eu un messager avant Nuh, alayhi salam. Et ça c'est en contradiction avec le Coran. Donc quiconque pense que Idris était avant Nuh, alors ça c'est une grave erreur. Il dit, si c'était pas que la personne qui a dit cette parole l'a fait par ijtihad, on aurait dit que cette personne a démenti le Coran. Après le Cheikh, il dit, wa amma sunnah fadaliluha bi anna Nuhan alayhi salam awwal ar-rusul annahu fi hadith ash-shafa'a al-muttafaq alayhi annahum ya'tuna Nuhin wa yudhakkirunahu bi ni'matillahi ومنها أنه أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض وهذا صريح بأن أول الرسل نوح عليه السلام وأما آخرهم فهو محمد عليه الصلاة والسلام ودليل ذلك قوله تعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين فالآية هنا جمعت بين الرسالة والنبوة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الله تعالى رسول الله وخاتم النبيين وربما يكون المتوقع ولكن رسول الله وخاتم المرسلين ولكنه قال وخاتم النبيين لأنه لن يكون بعد نبي ولا رسول حتى من ادعى النبوة دون الرسالة فهو كاذب وكافر أيضا لتكذيبه القرآن والسنة ومن أجل كونه خاتم النبيين كانت شريعته صالحة لكل زمان ومكان وهل معناها أنها تتغير بتغير الزمان أو معناها أن من تمسك بها صلح له الزمان في كل وقت فالجواب الثاني بلا شك donc نعم donc le cheikh il dit donc que en ce qui concerne les preuves de la sunna que Nuh alayhi salam était le premier des messagers eh bien c'est dans le hadith de l'intercession qui est rapporté par Al-Bukhari et Muslim, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam mentionne que Nuh alayhi salam, c'est la première personne ou le premier messager vers qui les hommes vont aller pour demander d'intercéder, pour que Allah subhanahu wa ta'ala commence le jugement. Et ensuite, ils vont aller à Ibrahim, et après ils vont aller à Moussa, et après ils vont aller à Isa. Chacun d'entre eux va s'excuser. Ils vont mentionner qu'ils ne peuvent pas. Hein. Donc, ça c'est pour dire que... ça c'est une preuve que le cheikh a mentionnée pour dire que le premier messager qui est envoyé aux habitants de la terre, c'était Nuh alayhi salam. Et ça c'est clair dans ce hadith-là, puisque c'est clair qu'il était à ce moment-là le premier des messagers, puisque c'est vers lui que les hommes vont aller pour demander en premier, pour intercéder. Tandis que le dernier des messagers, c'est Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Et la preuve de ça, c'est dans le verset 40, dans Sourate Al-Ahzab. Et dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit ce qui signifie Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, n'était le père d'aucun d'entre vos hommes. Mais par contre, il était le messager d'Allah et le dernier, le sceau des prophètes. Hein. Donc le verset a réuni, hein, parce qu'on voit, il y en a dedans, qu'il mentionne Ar-Risala, hein, Rasulullah, et il mentionne An-Nubuwa, hein, Khatam An-Nabiyyin. Donc il y a les deux qui sont mentionnés, Ar-Rasul, hein, Ar-Risala, parce qu'il dit walakin rasul Allah et an-nubuwa wa khatam an-nabiyyin. Et le cheikh il dit Allah subhanahu wa ta'ala il a dit dans le verset qu'il est le messager d'Allah et le dernier des prophètes, alors qu'on aurait plutôt pensé qu'il aurait dit parce qu'il est le messager d'Allah et le dernier des messagers. Mais Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas dit alaykoum salam wa rahmatullah. Il n'a pas dit, mais il est le messager d'Allah et le dernier des messagers. Il a dit, mais il est le messager d'Allah et le dernier des prophètes. Hein? Donc, pourquoi il a dit le dernier des prophètes? Parce que s'il aurait dit le dernier des messagers, quelqu'un aurait pu venir après puis dire, moi je suis pas un messager, je suis un prophète. Hein? Et on sait que le messager est un prophète, mais le prophète n'est pas nécessairement un messager. Donc, si on dit qu'il est le dernier des prophètes, ça implique qu'il n'y aura pas d'autres prophètes après lui. Hein? Et donc, il est le dernier des messagers. Et si quelqu'un vient après lui puis il dit, oui, mais moi, je ne suis pas un messager, je suis un prophète, comme les Black Muslims, hein? Elijah Muhammad, qui est venu aux États-Unis, il dit, moi, je suis un prophète pour les Noirs. Hein? Ils disent, Dieu est venu en homme sur terre dans la personne de Fard Muhammad et il m'a pris moi, Elijah Muhammad, comme son prophète. Et il dit, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'était le dernier messager, mais moi je ne suis pas un messager, je suis un prophète. Sauf que celui qui est un prophète, il est automatiquement un messager. Celui qui est un messager, il est automatiquement un prophète. Donc, s'il prétend être un prophète, il a contredit le verset, puisqu'il n'y a plus de prophète après Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, lui, il dit, moi, je suis messager, je ne suis pas prophète. Allah a dit le sceau des prophètes. Mais si tu es un messager, t'es automatiquement, tu es un prophète. Donc, ça veut dire que tu prétends être un prophète après Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et après Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il n'y a plus de prophète. Il est le dernier des prophètes. Donc, tu n'es ni messager ni prophète. Hein? Donc, c'est ça ici la raison pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala il a dit, mais il est le messager d'Allah et le dernier des prophètes. Pourquoi? Parce que tous les messagers sont des prophètes. Et donc, ils disent, si quelqu'un prétend à la prophétie sans être un messager, il sera dans le mensonge, il sera un kafir, et il aura, parce qu'il a démenti le Coran, il a démenti la sunna. Et si quelqu'un prétend être un messager, la même chose, il est un kafir et un menteur, parce qu'il a prétendu avoir la prophétie indirectement en disant qu'il est messager. Et le cheikh il dit, وَمِنْ أَجْلِ كَوْنِهِ خَاتَمَ النَّبِيِّينَ كَانَتْ شَرِيعَتُهُ صَالِحَةً لِكُلِّ زَمَانٍ وَمَكَانٍ. Donc, étant donné qu'il était le dernier des messagers, le sceau des prophètes, sa sharia, elle est valable jusqu'à la fin des temps, pour tous les temps et pour toutes les époques après lui, et pour tous les endroits. Est-ce que ça signifie qu'elle va changer avec le changement du temps? C'est-à-dire, est-ce que la sharia du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, elle va changer avec le temps, comme certains aujourd'hui qui le prétendent? Et le cheikh dit, « أو معناها أنها أن من تمسك بها صلح له الزمان في كل وقت. » Donc, ça ne veut pas dire, quand tu dis qu'elle est valable ou applicable jusqu'à la fin des temps, et peu importe l'endroit, ça ne veut pas dire que la charia elle va changer avec le temps. Il y en a des gens qui disent ça. Il faut qu'on adapte la charia à chaque époque. Non, la charia, c'est la charia, elle ne va pas changer. Hein? Mais c'est que, peu importe le temps, elle va s'appliquer, cette charia. C'est ça que ça veut dire. Et il dit, ولهذا قد يتوهم بعض الناس أن معنى صالحة لكل زمان ومكان أنها تتكيف بتكيف الناس وأن الناس إذا كان عندهم عمل كثير يلهيهم عن الصلاة قلنا لهم أن لا تصلوا الظهر والعصر لأنه وقت عمل وإما فاجمعوهما إلى المغرب والعشاء وقد بلغني أن بعض العمال يجمع الصلوات الخمس كلها عند النوم ولا أدري عن الفجر يجمعها معها أو يؤخرها ولكن الصلوات الأربع قطعا يقولون لي أن بعض العمال يجمعها. Donc il dit, c'est pour ça que certaines personnes ils s'imaginent que quand on dit que l'islam s'applique à tout endroit et à toute époque, que ça veut dire qu'elle doit s'adapter et changer pour faire plaisir aux gens selon leur situation. Et le cheikh il dit, si par exemple quelqu'un il a du travail, puis que ça le distrait ou ça l'empêche de faire la salat, bon, il va dire dans ce cas-là, je ne vais pas faire le zohr, je ne vais pas faire le asr, hein, parce que j'ai pas le temps, je suis en train de travailler. Donc je vais réunir le Maghreb, hein, je vais le réunir, le Dhuhr et l'Asr, jusqu'au Maghreb, avec, je vais le faire avec le Maghreb et l'Aïcha. Et il dit qu'on m'a fait savoir que certaines personnes, parmi les travailleurs, ils réunissent toutes leurs 5 prières, hein, lorsqu'ils vont se coucher le soir, ils les font toutes d'un seul coup. Et il dit, pour le Fajr, je ne sais pas comment ils font, est-ce qu'ils les font avec, ou bien est-ce qu'ils la retardent, ou est-ce qu'ils la font dans son temps. Il dit, mais en tout cas, pour les 4 autres, c'est certain qu'ils disent, hein, certains employés ou certains travailleurs, ils rassemblent toutes leurs prières en même temps, puis ils les font d'un seul coup. Et le cheikh, il dit, فَلَوْ قُلْنَا إِنَّ الدِّينَ يَتَكَيَّفْ لَكَانَ هَذَا صَحِيحًا وَلَكِنَّهُ غَلَطٌ بل معنى قوله صالح لكل زمان ومكان أنه لا ينافي الإصلاح ولا الصلاح في أي وقت في أي زمن كان فالتمسك بالدين يصلح لك أمر الدين والدنيا. Donc le cheikh il explique que يعني si c'était le cas que la religion devait s'adapter avec le temps, selon les gens, yani. Oh, dans ce cas-là, on dirait oui, c'est correct. Mais c'est une erreur. Il dit, quand on dit que la religion, elle est valable pour tous les endroits, tous les temps, à toutes les époques et pour tous les lieux, yani. C'est ça. Que ça, c'est-à-dire qu'on pourra toujours il sera toujours valable, on pourrait toujours faire la réforme et appliquer le bien, peu importe l'époque. Peu importe l'époque. Et donc, il faut s'accrocher à la religion pour que nos affaires, que ce soit nos affaires dans la dunya ou nos affaires de la religion, soient droites et qu'elles soient correctes. Ensuite, en ce qui concerne les messagers, le cheikh, après avoir expliqué que le premier, c'est Nuh alayhi salam, le dernier, c'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il explique ensuite, il dit que wa anna afdalahum Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire que le meilleur d'entre les messagers et les prophètes, c'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et le cheikh il explique, il dit wa huwa kadhalika li annahu khatamuhum wa li annahu aktharuhum atba'an. ولأن الكتاب الذي أنزل إليه أعظم الكتب ولأسباب كثيرة. Donc il dit là, parmi les raisons pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam c'est le meilleur des prophètes, c'est parce que premièrement c'est lui le sceau des prophètes, celui qui est venu sceller et terminer et clôturer la prophétie et la série des messagers et des prophètes. Deuxièmement, ou un autre exemple, c'est parce que une autre raison, c'est parce qu'il est celui dont la Ummah est la plus grande, il a le plus de fidèles. Une autre raison qui est mentionnée, c'est parce que le livre qu'il a reçu comme révélation, c'est le plus important de tous les livres qui a été révélé. Et pour beaucoup d'autres raisons aussi. Il dit وَمِمَّا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ أَنَّهُ لَمَّا أُسْرِيَ بِهِ إِلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ كَانَ الْإِمَامُ مُحَمَّدًا صلى الله عليه وسلم وهذا يدل على أنه أفضلهم إذ يأم القوم أتقاهم لله وأكرمهم لله أكرمهم عند الله وفي يوم القيامة يأتي الناس أكابر الأنبياء لطلب الشفاعة حتى تنتهي إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم وهذا يدل على أنه عليه الصلاة والسلام أفضل الرسل. Hein? Donc le cheikh il explique ensuite que parmi les preuves que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam c'est le meilleur, c'est que lorsqu'il a fait le voyage nocturne de la Mecque jusqu'à Beit al-Maqdis, hein, Jérusalem, il est parti de Mecca jusqu'à Jérusalem dans la nuit, dans une même nuit, hein? Et une fois arrivé là-bas à Jérusalem, il a prié à Beit al-Maqdis avec tous les autres prophètes. Et c'est lui qui était l'imam, comme c'est rapporté par l'imam muslim, selon Abi Huraira radiallahu anhu. Ça, c'est une des preuves que c'est lui le meilleur, parce que celui qui dirige les autres dans la salat, en général, c'est la personne la plus pieuse ou la plus noble, hein, auprès d'Allah. Donc, également parmi les preuves, c'est que au jour de la résurrection, lorsqu'il va y avoir le rassemblement de tous les hommes et que les gens attendent le jugement, on a lu tout à l'heure ou on a mentionné tout à l'heure le fait que il y allait avoir des gens qui allaient demander l'intercession aux différents prophètes au jour de la résurrection pour demander à Allah subhanahu wa ta'ala de débuter le jugement. Et ils vont commencer par Adam, et après ils vont aller à Moussa, et après ils vont aller à Nuh, après ils vont aller à Moussa, après ils vont aller à Adam aussi. Adam, Nuh, Moussa, Ibrahim, Moussa, Isa, et après ils vont aller à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et tous les autres prophètes vont s'excuser, excepté Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui va prendre cette responsabilité. Ça, c'est une autre des preuves qui montre que c'est lui le meilleur d'entre eux. Et après lui, il y a Ibrahim alayhi salam. C'est le deuxième parmi les prophètes. En importance, c'est Ibrahim alayhi salam. Le cheikh il dit ensuite: فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ كَيْفَ يَكُونُ ذَلِكَ وَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ ومن المعلوم أن التابع أقل درجة من المتبوع، فيقال هنا لا تفاضل، لأن الملتين واحدة وهي التوحيد، ولكن ذكر إبراهيم لأن اليهود يقولون نحن أولى بإبراهيم، والنصارى يقولون نحن أولى بإبراهيم، والعرب يقولون نحن أتباع إبراهيم، فقال الله تعالى له ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم. وعلى هذا فما خالف هدي الرسول صلى الله عليه وسلم فقد خالف هدي إبراهيم، فيكون في ذلك إقامة الحجة على من قال إنه أولى بإبراهيم من محمد عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال عز وجل مصرحا بذلك في آل عمران: إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا، أي الذين اتبعوه في زمن الرسالة، أما بعد بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم فأولى الناس بإبراهيم محمد صلى الله عليه وسلم. Donc le cheikh il explique que certaines personnes pourraient dire: comment est-ce que cela serait-il possible que Muhammad صلى الله عليه وسلم serait le meilleur des prophètes, des messagers, alors que Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 123 dans sourate An-Nahl: puis nous t'avons envoyé ou nous t'avons révélé de suivre la religion d'Abraham. Hein? Donc le cheikh il dit, on sait très bien que celui qui suit, hein, est à un degré plus bas que celui qui est suivi. Et si on suit, hein, celui qui est suivi, c'est si Mohammed sallallahu alayhi wa sallam il suivait la religion d'Abraham, donc son degré est plus bas que Abraham. Et le cheikh il explique et il répond à ça en disant: non, il n'y a pas de préférence ici, on parle de la réalité qui fait que les deux sont une, c'est-à-dire la religion de Ibrahim et la religion de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est la même religion, c'est la religion du tawhid, de l'unicité d'Allah. Et il dit par contre, Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné Ibrahim pour quelle raison? Il a mentionné Ibrahim parce que les juifs prétendent avoir plus de droits, hein, d'appartenance à Ibrahim que les musulmans. Et les chrétiens, la même chose. Ils disent, nous, on a plus de droits, hein, à Ibrahim que les musulmans. Et les arabes, ils disaient, c'est-à-dire les arabes parmi les mouchriquins, il disait, nous on suit Ibrahim, on est les fidèles de Ibrahim. Et le cheikh il répond, il dit que Allah subhanahu wa ta'ala, hein, à cause de ça, il a révélé dans le verset, puis nous t'avons révélé de suivre la religion d'Abraham. Et il dit, c'est donc pour montrer en réalité, hein, que quiconque contredit ou tout ce qui contredit la religion du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, eh bien, il est en fait, en réalité, en train de contredire la religion d'Abraham. Et donc, par conséquent, on aura établi la preuve contre ceux qui prétendent appartenir à Ibrahim, alayhi salam, alors qu'ils contredisent la religion du tawhid que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a amené. Hein? Et Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné cela également dans Surat Al-Imran, le verset dans Surat Al-Imran dans lequel il dit ceux qui méritent le plus d'appartenir ou de prétendre appartenir à Ibrahim sont ceux qui l'ont suivi, ainsi que ce prophète, c'est-à-dire Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que les croyants. Donc le cheikh il dit, ceux qui l'ont suivi au moment de la révélation, c'est-à-dire au moment du message, c'est-à-dire ceux qui l'ont suivi à son époque, eux ils étaient ceux qui méritaient plus d'appartenir à Ibrahim et de suivre sa religion, tandis que après la venue du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire si les gens par exemple parmi les juifs qui sont venus avant le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et qui ont suivi la religion de Moussa correctement et qui suivaient l'exemple d'Ibrahim alayhi salam, ils avaient un droit par rapport à l'appartenance à la religion d'Abraham. La même chose pour ceux qui ont suivi Isa de la façon correcte et qui n'ont pas dévié, qui n'ont pas changé la religion. Cela aussi, mais une fois que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est venu, eh bien, ceux qui méritent plus prétendent à la voie d'Abraham, c'est ceux qui ont suivi le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. فَأَوْلَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمِ Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, celui qui mérite le plus de prétendre appartenir à la religion d'Abraham, c'est يعني Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et dans un verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit ma kana Ibrahim yahoudiyan wala nasraniyan walakin kana hanifan muslima. Ibrahim, il n'était pas un juif, il n'était pas chrétien, mais c'était un hanif, un musulman, quelqu'un qui vouait son adoration à Allah seul et qui s'écartait du shirk et des idoles. Donc ça veut dire que il était sur le tawhid pur. Et c'est ça la religion d'Abraham, et c'est ça la religion de tous les messagers d'Allah, la religion de tous les prophètes. Tandis que j'ai les chrétiens qui prient à Jésus, ou qui disent que Jésus c'est le fils de Dieu, ou qu'il est une trinité, ça c'est des mouchriquines. Même s'ils prétendent être sur la religion d'Abraham, ça c'est un mensonge. Ensuite, il y a beaucoup de règles de pratiques d'Ibrahim que les chrétiens contredisent. Par exemple, Ibrahim alayhi salam, il n'a jamais adoré des croix ou des statues ou des idoles ou adoré Jésus. Tandis que les chrétiens, ils font ça. Ibrahim alayhi salam était circoncis. C'est lui-même qui a initié cet engagement avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est lui le premier qui s'est circoncis. Tandis que les chrétiens, ils ne le font pas. Les chrétiens, ils ne font pas cette pratique-là. Et ils ont délaissé cette pratique. D'accord ? Donc ça, c'est un exemple de contradiction de la religion d'Abraham. Et il y a beaucoup d'autres choses aussi qui montrent que ces gens-là ont contredit la religion d'Abraham. ensuite, le cheikh, il dit « Thumma Ibrahim » ثم موسى ثم نوح وعيسى ابن مريم وهم المخصوصون في قوله تعالى وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. Donc le cheikh il explique que après avoir dit que le meilleur d'entre eux c'est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il dit et ensuite Ibrahim, et ensuite Moussa, et ensuite Nuh et Isa ibn Maryam. Et donc, c'est l'ordre que le cheikh a mentionné. Il dit que l'auteur a dit, hein, l'ordre, puis Ibrahim, puis Moussa, puis Nuh, puis Isa. Et il dit que l'auteur, il a mentionné trois d'entre eux. الثلاثه الاولى يدي المؤلف ذكر الثلاثه الاولى بثم دل على الترتيب وذكر الرابع والخامس بالواو لانه لم يكن هناك دليل واضح على ان عيسى افضل من نوح او ان نوحا افضل من عيسى فمن العلماء رحمهم الله من قدم نوحا لأنه لبث في قومه ألف سنة يدعوهم إلى الله عز وجل وقال وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا وتواعدوه فقالوا لئن لم تنتهي يا نوح لتكونن من المرجومين فآذوه إيذاء عظيما وكان يمرون به وهو يصنع السفينة بأمر الله فيسخرون منه بقولهم هذا يتوعدنا بأن سنغرق وينجو بسفينته فيسخرون منه ولكن قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه. Donc ici le cheikh explique que ensuite il mentionne, comme on a dit, les prophètes qu'il a mentionné après Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, dans l'ordre Ibrahim, puis Moussa, puis Nuh et Isa ibn Maryam, hein, Jésus fils de Marie. Il dit, donc Ibrahim c'est Abraham, Moussa c'est Moïse, Nuh c'est Noé et Isa c'est Jésus. Après le cheikh il dit que les trois premiers il les a mentionnés en disant thumma, qui veut dire ensuite ou puis, hein. Donc ça c'est pour indiquer un certain ordre, hein, qu'il y a dans cet ordre. Tandis que le troisième et le quatrième et le cinquième, c'est-à-dire Nuh et Isa, il n'a pas dit thum, il a dit waou, hein, al waou, c'est-à-dire wa, qui veut dire et. Hein. Il dit parce qu'il n'y avait pas une preuve claire pour déterminer si Isa était meilleur ou Nuh. Et il dit en ce qui concerne Nuh alayhi salam, il dit les ulama, rahimahumullah, ils ont donné précédence à Nuh, alayhi salam, parce qu'il est resté 950 ans parmi son peuple, en train de les appeler à Allah. Donc il a enduré beaucoup plus de difficultés et de mauvais traitements de la part de son peuple. Hein? Et il dit donc que parce qu'il est resté 950 ans parmi eux, et Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné dans le verset, dans Surat Nuh, verset 7, chaque fois qu'il les appelle, hein, il dit chaque fois que je les invite pour que tu leur pardonnes, ils mettent leurs doigts dans leurs oreilles. C'est-à-dire, ils ne veulent même pas entendre. Subhanallah. وَاسْتَغْشَوْ ثِيَابَهُمْ. Ils se couvrent avec leurs vêtements pour pas qu'ils leur parlent, hein, pour pas que Nuh leur parle. وَاسَرُّوا. Hein? Ils ont été persistants dans le fait de se détourner et ils se sont enflés d'orgueil, hein, de façon complète. Alors Nuh alayhi salam, il leur a dit, hein, que c'est-à-dire qu'ils vont être s'ils refusent d'accepter et de croire, hein, ils vont être punis par Allah. Et eux ils ont dit: « Oh Noé, si tu ne cesses pas, tu vas être lapidé. Hein, tu vas être parmi les lapidés. C'est-à-dire, on va te lancer des pierres. » Donc, ils lui ont fait beaucoup de tort. Et ils se moquaient de lui quand il construisait l'arche. Quand il construisait son arche, il rigolait. hein, ils se moquaient de lui. Et ils se disaient entre eux, regardez, c'est lui qui nous promet qu'on va être noyé et que lui, il va être sauvé avec son bateau. Hein? Donc, ils se moquaient de lui. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a révélé le verset à ce sujet. Dans le verset Hud, dans Surat Hud, le verset 38 et 39, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, et si vous vous moquez de nous, alors nous aussi, nous moquons de vous comme vous vous moquez. Et vous allez savoir hein, à qui viendra le châtiment qui va l'humilier. Hein? Et ensuite, le cheikh, il dit, Mas'alatun. ما الجمع بين قوله تعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض وقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة رضي الله عنه لا ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس ابن متى أو ابن متى الجواب أن هذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم لئلا يفخر أحد برسوله على الآخرين كما جرى بين اليهود والأنصار بين اليهودي والأنصاري أما اعتقاد ذلك في القلب فيجب ونعتقد هذا أن الرسل بعضهم أفضل من بعض قال تعالى ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا وقال تعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات فهذا يجب اعتقاده أما اللسان فلا نفاضل لأن إن كنا في مخاصمة مع أصحاب الرسل الآخرين فلا شك أن فيها عداوة وبغضاء وربما تصل إلى حد المقاتلة أما في غير ذلك فإنه لا ينبغي أن تفاضل خوفا من أن يؤدي ذلك إلى تنقص حق مفروض. Donc le cheikh il dit la question comment on réunit entre le verset qui dit tilka ar-rusul hein certains parmi ces messagers certains Allah a préféré par rapport à d'autres hein Il a préféré certains messagers par rapport à d'autres. Le verset 253 dans Sourate Al-Baqarah. Et l'autre parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans laquelle il dit « Il ne convient pas à un serviteur de dire qu'il est meilleur que Younus ibn Mata. Hein? » Ou de dire que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est meilleur que Younus ibn Mata. Donc tu ne dois pas mentionner de prophète en disant mon prophète il est meilleur que ton prophète hein, pour faire des genres de compétitions ou bien des pour essayer d'élever un par rapport à l'autre pour dénigrer l'autre ça c'est pas permis parce que Allah subhanahu wa ta'ala il dit la nufarriqu bayna ahadin minhum hein, on ne fait pas de distinction entre par rapport à aucun d'entre eux Et donc ça c'est les ulama ils ont dit ça c'est dans le sens que tu dois pas dénigrer un par rapport à l'autre. Wa alaykoum salam wa rahmatoullah. Donc tu dois pas dénigrer un par rapport à l'autre, mais ça ne veut pas dire qu'ils sont tous égaux. La preuve c'est que Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset dans le Coran, il dit parmi les messagers, hein, nous avons préféré certains sur d'autres. Hein? Donc certains messagers ont été préférés à d'autres. Et dans le verset 55 dans sourate Al-Isra, hein, Allah subhanahu wa ta'ala il dit وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ Donc dans l'autre verset il parle des messagers, des certains messagers ont été préférés sur d'autres. Parmi eux, certains d'entre eux Allah leur a adressé la parole, hein, il leur a parlé مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهِ Et d'autres il les a élevés en degré وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ Et dans l'autre verset, il dit وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ hein, Nous avons préféré certains prophètes sur d'autres. Donc ça veut dire que entre les messagers, il y a des degrés différents. Certains sont meilleurs que d'autres. Et entre les prophètes, certains sont meilleurs que d'autres aussi. Hein? Et il dit wa ataina Daoud Zaboura. Daoud, il a reçu Az-Zabour. Donc ça, c'est un exemple. Naam. Donc il dit, le cheikh, que tu dois pas donc dire qu'un prophète est meilleur que l'autre dans le but de vanter un des prophètes par rapport à l'autre, ou de dénigrer un d'entre eux. Comme qu'est-ce qui est arrivé entre dans la dispute entre un juif et un parmi les Ansar à l'époque. Alaykoum salam wa rahmatullah. En ce qui concerne, donc, par la langue, tu ne dois pas élever l'un par rapport à l'autre, hein, tu ne dois pas préférer un sur l'autre. Il dit, mais par contre, parce que si tu commences à faire ce genre de discussion là, ou ce genre de choses là, tu risques de créer des conflits entre les gens qui ont cru en d'autres prophètes, et que ça va ramener à de l'animosité, et peut-être même que les gens vont aller jusqu'à se battre à cause de ça. Donc, c'est pas correct de faire ce genre de débat là, ou de préférence là, de façon à élever un par rapport à l'autre, ou être, yani, vanter un par rapport à l'autre et dénigrer l'autre, ou des choses comme ça. Il dit wa amma fi ghayri dhalik la yanbaghi an nufadil khawfan, c'est ça. Donc si c'est par rapport au cœur, ça, il dit la croyance, ça, c'est obligatoire que tu crois que certains messagers sont meilleurs que d'autres, ça, t'es obligé, parce qu'Allah, il le dit dans le Coran. Toutefois, la parole de dire ça, ça, c'est pas nécessaire. Hein, c'est pas obligatoire, même que des fois, ça peut amener à des conflits, comme le cheikh, il dit. فَإِنَّهُ لَا يَنْبَغِي أَنْ نُفَاضِلَ خَوْفًا مِنْ أَنْ يُؤَدِّي ذَلِكَ إِلَى تَنَقُّسِ حَقٍ تَنَقُّسِ حَقٍ مَفْرُودٍ. Ok. Donc, nous, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, Inch'Allah. Puis, au prochain cours, on va continuer la suite. L'explication de qu'est-ce qu'on a lu aujourd'hui, inshallah. Subhanak Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa iyyakum inshallah.